Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand nous donne rendez-vous au cœur de l'histoire du théâtre. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Notre siècle est celui des séries télé. Le 19e était le siècle de l'opéra. Eh bien, le 17e a été le grand siècle du théâtre. Ce que je vous propose de revivre en compagnie de notre invité, Christophe Maury, c'est la création de la plus célèbre pièce de notre répertoire, le Cid de Pierre Corneille, évidemment. Et tout à l'heure, vous répondrez à la question de Maëlys qui voudrait connaître l'origine de l'expression branle-bas de combat. Mais pourquoi pas? Alors, réponse à la fin de l'émission. Pour le moment, nous rejoignons Rodrigue, Chimène, Don Diègue, Don Sanche et l'Infante et Elvire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Pour commencer, je voudrais présenter des excuses à mon frère et à mon cousin Germain qui, lorsqu'ils étaient encore enfants, ont dû apprendre par cœur des pages entières du Cid pour satisfaire à mes lubies de metteur en scène en herbe. J'ai notamment le souvenir, il y a bien longtemps, d'un travail acharné sur les scènes 3, 4, 5, 6 de l'acte 1 et 2 de l'acte 2. Ça commençait par « Enfin, vous l'emportez et la faveur du roi vous élève en un rang qui n'était dû qu'à moi ». Et ça s'achevait sur ces deux vers « Viens, tu fais ton devoir » et le fils dégénère qui survit un moment à l'honneur de son père. Sublimité de cette pièce unique, fulgurante, inclassable, dont presque toutes les tirades sont dignes de l'anthologie. Il y a tellement de vers célèbres dans le Cid, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Au rage, au désespoir, ô vieillesse ennemie. Rodrigue qui l'eût cru, Chimène qui l'eût dit. Et le combat, c'est sa faute de combattant, etc., etc. On pourrait comme ça en citer tout un chapelet. Le Cid reste aujourd'hui avec peut-être l'Avare de Molière et Tartuffe, Phèdre de Racine, le mariage de Figaro de Beaumarchais, Hernani de Hugo, le voyage de Monsieur Perrichon de Labiche, Cyrano de Bergerac de Rostand évidemment et Knock de Jules Romain, une des pièces les plus célèbres du répertoire français. Mais outre qu'elle vient en premier, elle est un peu plus que toutes ces grandes œuvres. Le Cid, c'est en quelque sorte le premier grand coup d'éclat de notre langue. Mais pareils à deux fois ne se font pas connaître et, pour leur coup d'essai, veulent des coups de maître. On n'a plus idée aujourd'hui du succès, que dis-je du succès, du triomphe de cette pièce lors de sa création par les comédiens du Marais pendant l'hiver 1637. Tout Paris, à l'époque, se précipite rue Vieille du Temple, au théâtre du Marais. Le conseiller Chapelain écrit à un ami, on verra le rôle qu'a joué Chapelain d'ailleurs dans ce qui va s'appeler la querelle du Cid. Il écrit le 22 janvier, « Depuis 15 jours, le public a été diverti du Cid et des deux sosies à un point de satisfaction qui ne peut s'exprimer. Je vous ai fort désiré à la représentation de ces deux pièces. » Alors, les deux sosies, ou simplement les sosies, c'est une pièce de Rotrou que mon invité Christophe Maury vient de publier. Il va évidemment nous en parler tout à l'heure. 3 jours avant la lettre de Chapelain, le grand comédien Mondory. Mondory, c'est une véritable gloire. Hein. C'est le grand comédien de l'époque, celui qui crée le rôle de Rodrigue. Il écrit pour sa part à Gay de Balzac « Je vous souhaiterais ici, pour y goûter entre autres plaisirs, celui des belles comédies qu'on y représente, et particulièrement d'un Cid qui a charmé tout Paris. Il est si beau qu'il a donné de l'amour aux dames les plus continentes, dont la passion a même plusieurs fois éclaté au théâtre public. » Et Mondory ajoute « La foule a été si grande à nos portes, et notre lieu s'est trouvé si petit, que les recoins du théâtre qui servaient autrefois comme de niche aux pages ont été des places de faveur pour les cordons bleus. » Les cordons bleus, c'est-à-dire les grands seigneurs titulaires de l'ordre du Saint-Esprit. Tout Paris pour le Cid à les yeux de Chimène, écrira un jour Boileau, et de fait, une expression va naître, beau comme le Cid. Partout, on entend des tirades entières, on les déclame. Le cardinal de Richelieu a longuement applaudi à 2 représentations chez lui au palais cardinal. On va voir qu'il va bientôt changer d'avis. La reine Anne d'Autriche, qui est espagnole, il faut pas l'oublier, est folle de la pièce, l'a fait représenter 3 fois au Louvre. Quant au roi Louis XIII, qui vient pourtant de combattre et de battre les Espagnols à Corbie, il décide d'annoblir Corneille. Et même pour pousser la faveur encore un peu plus loin, il va jusqu'à annoblir son père. C'est comme ça, on déteste les Espagnols à l'époque, on les redoute, on craint leur prochain débarquement sur les côtes bretonnes. Et en même temps, eh bien, on acclame un des plus grands héros de l'histoire espagnole, simplement parce qu'il fait chanter les Alexandrins comme personne avant lui. Voilà le talent inouï de ce jeune auteur, on peut dire jeune auteur, puisque Pierre Corneille, à l'époque, a 30 ans. Il vient de Rouen, vous savez. Je vous propose de nous immiscer dans cette salle du Théâtre du Marais rue Vieille du Temple pour assister à l'un de ses premiers, à l'une des premières représentations publiques de la pièce. Je cite Daniel Mathieu. Tandis que les violons commencent une sarabande, Corneille et son ami Rotrou regardent l'assistance par l'entrebâillement du rideau. La salle forme un carré long, comme dit Sauval. Deux galeries sont établies sur des côtés latéraux. La première, très spacieuse, contient les loges. L'autre, plus exiguë, a deux rangs de banquettes pour sièges. Tout l'espace inférieur est pris par le parterre, où près de 1500 personnes sont entassées debout sur les dalles qui pavaient d'ordinaire les jeux de paume. Une estrade ménagée au-dessus de la porte d'entrée est réservée aux musiciens et contre le tablier des loges sont appliqués de gros candélabres munis de chandelles. Il faut imaginer également les seaux pleins d'eau qu'on a alignés pour parer un éventuel départ d'incendie. On frappe bientôt les trois coups. Le rideau glisse en grinçant sur la tringle. Chimène est là, elle est interprétée pour la première, elle est interprétée par Lavillier. Elvire, m'as-tu fait un rapport bien sincère? Ne déguises-tu rien de ce qu'a dit mon père? Silence dans la salle, ravissement du public à la musique merveilleuse des vers du sieur Corneille, qui du coup va devenir le grand Corneille, le premier poète tragique de ce siècle, devant qui les salles se lèveront désormais comme un seul homme, comme devant une personne royale. Exultat animus praeterita, exultat animus, exultat animus, exultat animus praeterita. C'est Ricard Carr, consort, un extrait d'Exultat Animus. Et n'oubliez pas que vous pouvez réagir à l'émission et nous envoyer vos messages par mail sur europe1.fr ou encore sur Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dans moins d'une minute, on retrouve Franck Ferrand pour la suite de son récit sur la création du CID. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, sur la création du CID. Oui, alors il est peut-être temps que je revienne un peu sur la personnalité, sur la carrière de ce Rouennais soudain si célèbre, de ce Pierre Corneille dont le Paris de 1637 apprend maintenant les vers par cœur. Il a écrit sa première pièce 12 ans plus tôt, mais pour tout vous dire, il avait commencé à écrire des poèmes, etc., dès l'âge le plus tendre. Sa première pièce de théâtre, c'est une comédie, c'est Mélite, elle est écrite en 24-25, pour autant qu'on sache, et elle est jouée pour la première fois en 1629. Mélite. Et alors par la suite, Pierre Corneille continue à écrire des comédies, ce qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Clitandre en 1630, La Veuve en 1631, La Galerie du Palais en 1632, la suivante, la Galerie du Palais a été reprise tiens, l'année dernière, la suivante en 1633, La Place Royale évidemment en 1634. Et puis avec Médée, il aborde la tragédie, c'est une tragédie qui ne s'assume pas encore tout à fait. Et puis surtout, il va écrire en 1636 cette incroyable pièce baroque d'inspiration un peu fantastique, comme nous dirions aujourd'hui, où l'on joue beaucoup sur la mise en abîme, le théâtre dans le théâtre. C'est une pièce à tiroir et à miroir, si je puis dire, l'illusion comique qu'on joue aujourd'hui sous le titre de l'illusion. Ça donc, c'est en 1636. Depuis quelque temps, le cardinal de Richelieu, qui dirige la France d'une main de fer dans un gant de velours rouge et qui, à ses rares heures perdues, se pique lui-même de théâtre, Richelieu a intégré le sieur Corneille à sa société d'auteurs. Vous savez qu'il avait réuni autour de lui un certain nombre d'auteurs qui étaient chargés de mettre en vers des arguments que lui-même inventait. C'est-à-dire qu'il créait l'idée de la pièce et puis les autres derrière et écrivaient. Alors Corneille se retrouve parmi les employés, si l'on peut dire, du cardinal, avec Rotrou, avec L'Étoile, avec Coltet et Boisrobert. Il travaille donc sous la protection directe de Richelieu. Il sera exclu, ou on va dire même qu'il s'exclura lui-même de cette petite coterie en 1638. On verra dans quelles circonstances, ne brûlons pas les étapes. pape. Début 1637, donc, le Cid est joué pour la première fois, c'est la 9e pièce de Corneille. Selon Pierre-François Godard Beauchamp, qui est historien du théâtre du 18e siècle, Corneille aurait eu l'idée d'écrire le Cid après une rencontre qu'il a faite avec un conseiller de la cour au comte à Rouen, qui s'appelait Rodrigue de Chalon. Corneille et sa famille, vous avez bien compris, sont eux-mêmes de Rouen. Ce monsieur est maître des requêtes, enfin c'est un personnage important du monde judiciaire. Et ce monsieur de Chalon a initié Corneille à la langue et à la littérature espagnole et il lui a suggéré la lecture d'une pièce intitulée « Las Macedades del Cid », c'est-à-dire « Les enfances du Cid ». C'est une comédie de Guillaume de Castro qui est parue en 1631 et Corneille s'est directement inspiré de cette comédie, s'en est tellement inspiré qu'on va bientôt lui reprocher de l'avoir littéralement plagié. Il faut se remettre dans le contexte. L'Espagne est tout à fait à la mode, en dépit ou peut-être à cause de cette guerre qu'on mène contre les Espagnols. Il ne faut pas oublier la puissance de cette Espagne du siècle d'or. On est à la grande époque de l'Escurial. Les caisses de l'Espagne sont pleines de l'or des Amériques, évidemment. Depuis 1635, la France donc est en guerre contre l'Espagne et Corneille, ce qui est un paradoxe, est aller choisir son héros, disons-le, en face, chez l'ennemi. Oublions pas que la reine Anne d'Autriche, l'épouse de Louis XIII, est espagnole. On peut dire que le Cid, finalement, est un peu à l'image de son propre cœur, déchiré entre une appartenance espagnole native et puis son rôle de reine de France, qui fait qu'évidemment, elle ne peut que soutenir la France. Je pense que ça a joué sans doute un rôle important. Le public, à l'époque, devait avoir conscience d'assister à quelque chose qui était un peu sulfureux, tout de même. Je ne sais pas si je dois vous rappeler l'histoire du Cid. Je pense que tout le monde a vu un jour ou l'autre une représentation du Cid. En tout cas, je l'espère, parce que ça fait vraiment partie des choses qu'il faut faire et voir. Rodrigue et Chimène sont très amoureux, sauf que Rodrigue est face à un dilemme. Son père a été insulté par le père de Chimène, et donc il va falloir qu'il choisisse entre venger son père, et s'il venge son père, il perd son amour, ou bien garder son amour, mais il va vivre dans l'indignité. Son père, Don Diego, a reçu un soufflet Don Sanche, du comte de Gomas. La raison, Don Diego a été nommé gouverneur du fils du roi, à la place de Don Gormas. Il y a une jalousie, une rivalité entre les deux. Et ça c'est la deuxième intrigue qui vient se greffer en quelque sorte, se broder sur la première. L'infante est elle-même, l'infante d'Espagne, la fille du roi, est elle-même amoureuse de Rodrigue. Et elle sait bien sûr que cet amour est impossible. Alors elle fait tout pour pousser Chimène dans les bras de Rodrigue et en quelque sorte pour vivre son amour par procuration. Mais en même temps, c'est pour elle un déchirement terrible. Vous voyez, toute cette belle mécanique mise en place par Corneille, qui va très loin, qui pousse les sentiments à l'extrême, qui pousse l'expression de ses sentiments également à l'extrême, avec des formules à l'emporte-pièce, avec, on peut dire, une sorte d'incandescence narrative. Alors vous avez bien compris qu'on a énormément admiré le Cid, mais vous savez ce qu'il en est des admirations trop vives et des réussites trop brillantes, surtout en France, ça n'est pas nouveau, ça. Elle suscite la jalousie. Et on va voir naître dans les mois qui suivent la première du Cid, on va voir naître tout autour de Corneille une véritable levée de boucliers de tous les jaloux, à commencer par le cardinal de Richelieu lui-même. Je vous ai dit qu'il se piquait de théâtre et qu'il se prenait lui-même pour un auteur. Et là, d'un seul coup, c'est trop ce qu'a fait Corneille, en quelque sorte. Alors, il va y avoir un petit camp qui se crée contre les prétendues erreurs de Corneille et les prétendus défauts du Cid. Alors, on va en parler, c'est ce qu'on appelle la célèbre querelle du Cid. On va en parler avec Christophe Maury dans un instant. Méret, notamment, va être l'un des grands, l'un de ceux qui attaquent le plus violemment Corneille. Il écrit notamment un pamphlet qui s'appelle « L'auteur du vrai Cid espagnol à son traducteur français », comme si le vrai auteur de la pièce espagnole se plaignait à Corneille d'avoir été plagié. Corneille répond à ses détracteurs. Il écrit une célèbre épître qui s'appelle « L'excuse à Ariste », très célèbre parce que c'est en même temps une sorte de définition du théâtre selon Corneille. Et c'est là qu'il y a la fameuse phrase, le fameux vers « Je sais ce que je vaux et crois ce qu'on m'en dit ». Il n'est pas fâché avec lui-même, Corneille. Cet orgueil va évidemment contribuer à lui faire encore bien plus d'ennemis. Et puis, il y a également, parmi les adversaires de Corneille, ce Georges de Scudéry qui, au printemps 37, retient 4 points principaux dans ses observations sur le Cid Et je cite Scudéry, que le sujet n'en vaut rien du tout, qu'il choque les principales règles du poème dramatique, qu'il a beaucoup de méchants vers, que presque tout ce qu'il a de beauté sont dérobés, avec, entre parenthèses, un joli solécisme dans cette dernière phrase, ce qui ne manque pas de sel. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, la querelle du Cid est lancée. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la création du Cid et aux querelles qui découlent de son succès. Et oui, alors revenons, si vous voulez, sur les critiques adressées au chef-d'œuvre de Corneille. La principale de ces critiques, c'est que le Cid est censé violer la sacro-sainte règle des trois unités. Vous savez, on a appris ça à l'école, hein. Unité d'action, ça veut dire qu'il faut qu'on raconte une seule histoire, en quelque sorte, dans la pièce. Unité de lieu, ça doit se passer dans un seul décor. Et unité de temps, toute l'action doit se dérouler en une journée, mettons en 24 heures. C'est vrai que Corneille fait un petit peu exploser ses règles. Unité d'action, vous avez bien compris que l'action principale, c'est ce qui concerne l'amour menacé de Rodrigue et de Chimène, hein, et cette querelle entre leurs pères respectifs. Mais il y a cette deuxième action, ce qu'on appelle la tragédie de l'infante, qui vient se greffer sur l'intrigue principale. Ça, c'est incontestable. Corneille ne peut pas dire le contraire, mais c'est peut-être aussi ce qui fait la richesse et la force de la pièce. Mais ça va contre la règle. Alors, l'unité de temps, on peut dire que globalement, c'est à peu près respecté, même si on regarde dans le détail, l'action du Cid se déroule sur au moins 2 jours, puisqu'il y a la bataille entre les deux. Hein, mais enfin bon. Et puis, alors là où il y a un vrai gros problème, c'est l'unité de lieu, puisque là, c'est certain qu'il n'y a pas du tout unité de lieu. Au contraire, et c'est ce qui fait le bonheur des metteurs en scène modernes, c'est que le Cid se déroule simultanément dans 3 endroits très différents. La place publique de Séville, le palais du roi et la maison de Chimène. Donc, évidemment, et on passe constamment d'un lieu à un autre. Donc ça, c'est une distorsion. Dans son examen de la question, Corneille écrira: tout s'y passe bien dans ces villes et garde ainsi quelque espèce d'unité de lieu en général. Mais le lieu particulier change de scène en scène et tantôt c'est le palais du roi, tantôt l'appartement de l'infante, tantôt la maison de Chimène et tantôt une rue ou une place publique. C'est vrai qu'à la limite on peut même ajouter en effet un quatrième lieu. Corneille a d'abord hésité avant de répondre. Scudéry lui avait demandé de façon très insistante de répondre aux critiques. Il a d'abord refusé. Et puis, Scudéry a eu la très bonne idée de demander l'arbitrage de l'Académie française. Et Corneille, sachant l'attachement de Richelieu à cette toute nouvelle Académie française qu'il venait tout juste de fonder, hein, 2 ans plus tôt, sait très bien que le cardinal va être favorable à cette médiation. Alors il accepte. Le premier jugement rendu par l'Académie, il faut jamais l'oublier, est un jugement extrêmement modéré. C'est le poète et critique Jean Chapelain, justement, qui est membre de l'Académie, qui rédige cette première réponse à Corneille, que Richelieu juge d'ailleurs beaucoup trop flatteuse, car la moitié, pour pas dire les 2/3 de ce premier jugement rendu par l'Académie, est une sorte de défense et illustration et de Corneille et de sa pièce. Hein, c'est quand même assez étonnant. Et donc, en décembre 1637, on demande à l'Académie de revoir sa copie en quelque sorte, et ce sont les sentiments de l'Académie sur la tragicomédie du Cid, un texte qui a reçu cette fois l'aval de Richelieu et où sont relevés un certain nombre de discordances entre la doctrine classique du théâtre et puis la réalité de la pièce. Alors, pour Corneille, ça c'est une humiliation incroyable. Il a fait une pièce dont il est vraiment très content, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a été porté au nu, acclamé par le public, anobli. Il devient une célébrité nationale avec cette pièce, et puis il ne voit qu'une chose, ce sont tous les auteurs qui se liguent, qui se réunissent et qui passent leur soirée entière à discuter de tous les défauts de sa pièce. Il y aurait eu de quoi le dégoûter à jamais, et pour tout vous dire, il va songer très sérieusement à se retirer du théâtre, à laisser tomber cette carrière, ce qu'il fera d'ailleurs, mais beaucoup plus tard. Corneille a été blessé vraiment au vif, son orgueil a été blessé dans cette affaire, et il va falloir beaucoup d'efforts de tous ses amis pour essayer de le remettre en selle en quelque sorte, et pour lui permettre de surmonter ce qu'il vit lui comme une véritable infamie. D'ailleurs, il se retire chez lui, mais Corneille est un Rouennais dans l'âme. Il viendra s'installer à Paris plus tard, en 1659, mais il ne le fera vraiment pas de son plein gré. Ce n'est pas quelqu'un de mondain et de parisien, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Est-ce que cette querelle du Cid était justifiée? Est-ce que cette querelle du Cid n'a pas finalement donné à la pièce une extraordinaire publicité? Et l'on a envie de dire, pourquoi tant de haine? C'est la question que je vais poser à mon invité dans un instant. Chapelain disait qu'il se plaignait beaucoup de ce qui s'était passé. Il ne fait plus rien, disait-il, de Corneille. Et Scudéry a du moins gagné cela en le querellant, qu'il l'a rebuté du métier et lui a tari sa veine. Je l'ai autant que j'ai pu réchauffer et encourager à se venger de Scudéry et de sa protectrice, c'est-à-dire de l'Académie, en faisant quelques nouveaux cides, mais il n'y a pas moyen de l'y résoudre. Finalement, bonjour Christophe Maury. Bonjour François. Finalement, Corneille s'y remettra quand même et il écrira de très nombreuses pièces par la suite, mais alors, en tout cas officiellement, que des tragédies. Oui, c'est une trahison. C'est une trahison terrible que fait Corneille. Corneille est vraiment un sale bonhomme qui est encouragé par l'argent. Il l'écrit d'ailleurs dans l'Illusion comique, le théâtre est un fief dont les rentes sont bonnes. Et pour lui, le théâtre est une rente. Or, ils sont un certain nombre de copains du même âge, qui ont à peu près la trentaine, qui sont presque tous normands. Il y a Georges de Sudéry qui est né au Havre, il y a Jean de Rotrou qui est né à Dreux, il y a Pierre de Rieur, il y a Jean de Méret. Ils sont tous nés dans les années 1604-1605. Eh bien, si vous voulez, nous les retrouvons dans un instant, Christophe Maury. Et nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi du Cid de Pierre Corneille avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Christophe Maury, romancier, essayiste, dramaturge, éditeur de théâtre et libraire. Il vient de publier Les sosies de Jean de Rotrou aux éditions L'Œil du Prince. Alors justement, Rotrou fait partie de ces personnages que vous avez commencé à nous présenter. Je vous ai arrêté de justesse parce qu'il fallait envoyer un écran de publicité, mais je vous ai senti plein de verve et vous nous parlez de trahison, Christophe Maury. Oui, c'est une trahison parce que ses amis, Jean de Rotrou, encore une fois, il est né à Dreux, Scudéry, il est né au Havre, Jean de Méret et Pierre de Rieur, ils se mettent avec Corneille et qu'est-ce qu'il faut? Il faut absolument quitter la tragédie sanglante à la Crébillon. Et ils décident, entre eux, de créer le théâtre moderne. Ils prennent le pouvoir dans le théâtre et il faut maintenant, c'est la querelle des anciens et des nouveaux, mais c'est révolutionnaire. Et révolutionnaire, ça va être Jean de Méret, qui va faire le coup le plus formidable avec sa Sophonisbe B, qui paraît en 1634. Et c'est la première fois dans Sophonisbe B qu'on a les trois unités. Et c'est la première fois qu'on a donc l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action. Qu'on crée le théâtre classique à la française, disons-le. Alors, on va dire classique aujourd'hui parce que c'est classique. Oui. mais pour eux, c'est résolument moderne. Imaginez que tout va se passer en un seul lieu, à une rapidité fulgurante, une seule action, et on va creuser les personnages. Or, Méret triomphe, et que fait le Rouennais? Eh ben, il change. Corneille, en l'occurrence, pour pas le nommer. Corneille, il change complètement l'affaire avec le Cid et il crée deux actions, sinon plus. Il crée plusieurs décors et les copains se sentent trahis. Donc, forcément, qui monte au créneau? Eh bien, c'est Méret, parce qu'il faut quand même qu'il sauve le nouveau théâtre qu'il a créé, et puis Sudéry. Alors, Méret crée donc ce théâtre. Pardonnez-moi de vous couper. Il faut savoir que cette bande de copains s'était établie comme République des Lettres. C'est eux qui ont inventé le mot de République des Lettres en se disant « Nous allons faire une société secrète ou discrète d'entraide qui va mettre sur scène les conflits politiques avec de la noblesse, de la richesse, de l'héroïsme. Et les violences seront les reflets de la politique contemporaine. » Alors on a l'image dans cette querelle du Cid d'un cardinal de Richelieu jaloux qui envoie ses chiens contre Corneille. Mais ce que vous nous dites, c'est que ce sont les critiques eux-mêmes qui étaient furieux, ce sont les camarades de Corneille eux-mêmes qui étaient furieux. C'est ça qui est important à comprendre. C'est une trahison amicale. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, c'est une trahison amicale, c'est une trahison dans l'amitié. C'est ça. Ils décident de faire un projet ensemble, un projet esthétique, de s'entraider. Et il y en a un qui fait bande à part, Pierre Corneille. Est-ce que c'est justifié? Et alors pourquoi Corneille est-il revenu à ses vieilles habitudes d'un théâtre éclaté avec de multiples actions et avec, même si on ne montre pas le sang sur scène, avec beaucoup de sang dans les verres, hein, si je puis dire. C'est quand même une pièce dure, le Cid, quand on écoute. Oui, ça saigne et c'est aussi parfois tellement sombre et tellement moderne. On a l'impression que c'est écrit par Victor Hugo. C'est vrai, oui, c'est vrai. Deux siècles après. Oui, c'est absolument extraordinaire. Je dis que Corneille est un type épouvantable. Il n'empêche que c'est le plus grand auteur du XVIIe siècle, incontestablement. Bon, on peut avoir un sale caractère. C'est un drôle de bonhomme, vous savez. Oui, il faut le décrire un petit peu. Hein. C'est un drôle de bonhomme, c'est un petit monsieur au front dégarni, qui porte moustache et royale, il n'est pas très élégant, il est un peu lourd, il a un côté robuste, paysan, terrien, il est timide. Et on dirait qu'il sentait un peu le renfermé, en quelque sorte. Hein. Il a des bas de laine. Il n'y avait pas d'anaphtaline à l'époque, mais ça devait être ça. Vous savez, il est avocat à la table de marbre. Avocat à la table de marbre, c'est-à-dire qu'il défend la couronne, les intérêts de la couronne, pour tout ce qui touche les eaux et forêts, les questions de navigation et de coupe de bois. Eh bien, il n'a plaidé vraisemblablement qu'une seule fois. Et il était très très timide et visiblement il avait un accent, en tout cas un petit problème d'élocution. Bon, c'est un Normand. Donc un Normand, et pour tous mes amis qui nous écoutent sur Europe 1... on sait très bien que c'est peut-être ben oui, peut-être ben non. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on sait jamais s'il va pleuvoir ou s'il va faire bon quand nous irons sur la plage de Deauville. Eh bien... peut-être ben oui, peut-être ben non, c'est quoi ? C'est le dilemme cornélien. Mais oui, c'est à la fois je sauve mon honneur ou je perds mon amour. Et le clair-obscur permanent, c'est vrai. Et c'est très normand, ça. Et donc, il est ancré dans ce paysage. Allez, rue de la Pie, aux 4 rues de la Pie, à Rouen, dans sa maison. Tout près de la place du Vieux-Marché. Où il y a le musée Corneille. Malheureusement, les horaires sont assez compliqués, mais enfin, il faut y aller. Et vous voyez cette maison complètement étriquée. Allez dans sa maison de campagne à Petite Couronne, vous voyez une maison... Ah, c'est cosy en même temps, je trouve. Pour une maison du XVIIe siècle. Oui, alors bon, ça, là, pas comment on peut voir les choses. On peut voir les choses des deux côtés. Là, on n'a qu'une partie, oui. Hein, parce que le bâtiment central a été détruit. Mais vous vous rendez compte que tout ça, ça fait un peu minable. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait un peu petit, ça fait un peu. Et c'est pas du tout le grand Corneille qu'on imagine. Mais bon. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce bonhomme, qui est toujours habillé en gris, en noir, qui ne sait pas trop parler en société, qui est très timide, qui n'a pas du tout de succès avec les dames, alors qu'il a une passion pour les jeunes filles. Vous savez qu'il se marie à 34 ans. Oui. Et visiblement, il est arrivé puceau à son mariage et on a cru qu'il était mort à la suite de sa nuit de noces, oui. Et il s'est marié. Et plus tard, Tour à Gaillardi va écrire à Jacques Goujon « Je pense vous avoir mandé que je me sens des bénédictions du mariage et tire maintenant à coup perdu aussi bien que vous. » Donc il s'est bien rattrapé par la suite. Mais enfin bon, tout ça, effectivement, n'est pas très glamour, comme nous dirions aujourd'hui. Ah non. Et à côté de ça, lorsque cet homme j'allais dire sculpte des vers, c'est parfait. Alors ce sont des vers parfaits, les plus beaux vers de la langue française, c'est extraordinaire. Donc il y a un décalage entre le personnage et ses productions. Et puisqu'on parle du Cid, cette pièce, vous l'avez dit, est d'une modernité, d'une force, d'une ampleur, c'est somptueux. Je vois que vous cherchez peut-être quelques vers à nous lire. Il y en aurait tellement. Hein, quand l'infante dit « Je souffre cependant d'un tourment incroyable. Jusque à cet hymen, Rodrigue m'est aimable. Je travaille à le perdre et le perds à regret. Et de là prend son cours mon déplaisir secret. » Toute excuse est honteuse aux esprits généreux. Et alors vous parliez tout à l'heure de votre frère et votre cousin. Oui. Moi, j'aimerais faire aussi une petite insiste très personnelle. Lorsque mon grand-père est parti en captivité, il a eu une seule phrase en tête, parce qu'il ne savait pas comment il allait en revenir, et c'était « Laisse faire le temps, ta vaillance est ton roi ». C'est-à-dire le dernier vers de le la dernier pièce. Vers du Cid. Laisse faire le temps, ta vaillance est ton roi. Et il est parti en train en Allemagne. Laisse faire le temps, ta vaillance est ton roi. On peut également faire allusion aux stances, sublimes stances de Rodrigue, surtout lorsqu'elles sont dites par Gérard Philippe. Percé jusque au fond du cœur, d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle. Misérable vengeur d'une juste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile, et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Si près de voir mon feu récompensé, ô Dieu, l'étrange peine, en cet affront, mon père est l'offensé, et l'offenseur, le père de Chimène. Que je sens de rude combat. Contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras. Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme, ou de vivre en infâme. Des deux côtés, mon mal est infini. Oh Dieu, l'étrange peine! Faut-il laisser un affront impuni? Faut-il punir le père de Chimène? Père, maîtresse, honneur, amour, noble et dure contrainte, aimable tyrannie, tous mes plaisirs sont morts, ou ma gloire ternie. L'un me rend malheureux, l'autre indigne du jour. Et oui, ce balancement dont vous parliez, Christophe Maury, hein, l'un me rend malheureux, l'autre indigne du jour, toujours le flux et le reflux, le noir et le blanc, le peut-être ben que oui, le peut-être ben que non, en quelque sorte, ce balancement cornélien qui n'est pas seulement lié au dilemme, qui est lié aussi à une façon de présenter les choses qui est très baroque finalement. Nous revenons aux cides et à toutes les questions que pose cette extraordinaire pièce dans un instant. Sous-moi donc calmement cette troupe s'avance qui porte sur le front une mâle assurance. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Sur l'air du tralala, sur l'air du tralala, sur l'air du On écoutait Francis Blanc sur Europe 1, l'extrait du Cid, évidemment. Si on n'écoute pas Francis Blanc sur Europe 1, je ne sais pas sur quelle station on pourra l'entendre. Alors ça, c'est une autre version du Cid, hein. Nous partîmes 500. On peut dire que cette pièce est justement tellement moderne qu'elle se prête à toutes les adaptations possibles, de très bonnes et de moins bonnes entre nous. Mais enfin ça, nous n'allons pas entrer là-dedans avec Christophe Maury. J'ai entre les mains d'ailleurs le programme d'une des représentations, une des toutes premières auxquelles j'ai pu assister au début des années 80. C'était avec, sur la même scène, il y avait Jean-Louis Barrault, Jean Marais qui jouait Don Diego, au rage au désespoir dit par Jean Marais. Je vous assure, c'était extraordinaire. Enfin, c'était un moment fabuleux. Et puis Francis Huster qui jouait Rodrigue, bien entendu. Alors, on a vu que l'Académie, c'est un peu à la demande du cardinal de Richelieu, élevé contre les abus du Cid. Ça n'empêchera pas Corneille d'entrer à l'Académie en 1642, hein, d'ailleurs, donc pas très longtemps après, et de devenir un des piliers de l'Académie française. On peut dire après la mort du cardinal, comme par hasard, juste après la mort du cardinal. Et il avait écrit à ce moment-là qu'on parle en mal ou bien du fameux cardinal, ma plume ni mes vers n'en diront jamais rien. Il m'a fait trop de bien pour en dire du mal. Il m'a fait trop de mal pour en dire du bien. Drôle de relation entre Corneille et Richelieu, Christophe Maury. Oui, enfin là, il est extrêmement prudent. Mais il est prudent de la prudence du Normand, de la prudence de Corneille. Il ne faut surtout pas qu'il casse sa rente. Il faut surtout... Vous savez, c'est vraiment... La rente, elle a été faite par Anne d'Autriche, en l'occurrence. Hein. Mais enfin, bon, oui. C'est l'État, quand même. Bon, alors, il a 1500 livres de pension. Pour vous donner une idée, un valet est payé 100 livres par mois. Donc, 1500, vous voyez... Bon, disons que 100 livres, c'était le SMIC. Mmh. Voilà. 150 fois le SMIC. Oui. Donc c'est quand même très très important. Donc il va être très très prudent, notre ami Corneille. D'autant plus, vous l'avez dit d'un mot tout à l'heure, que c'est quelqu'un qui est quand même intéressé par l'argent, hein, Corneille. C'est un fait. Oui, il est toujours très... C'est l'une de ses qualités. Enfin, oui. Est-ce un défaut, est-ce un bien, est-ce un mal, c'est un fait. Bon, dès qu'il est trop attaqué, il crâne. Je ne dois qu'à moi seul toute ma renommée et pense toutefois n'avoir point de rival à qui je fasse tort en le traitant d'égal. Envoyez ça devant votre interlocuteur, ça vous rend encore plus désagréable. Avoir point de rival à qui je fasse tort en le traitant d'égal, c'est tout à fait magnifique. C'est terrible. Il était quand même très sûr de lui. Alors, est-ce que oui ou non, il avait plagié cette... Très sûr de lui, mais je vous ai dit tout à l'heure, il était très timide. Et en fait, il a cette espèce... Il compense peut-être. Oui, il a cette crânerie des timides. C'est ça. Il a vous savez, comme des gens qui sont très très bavards d'un coup parce que ils n'osent pas montrer leur timidité. Et puis, il est parfaitement conscient de la splendeur de ce qu'il écrit. Ouais. Et donc, du coup, il est très sûr de lui de ce point de vue-là. Et ça va... Oui, et puis... Et puis, il y a sa meilleure groupie qui est tout le temps avec lui, c'est Thomas, oui. Son frère. Son petit frère. Et puis, il y a le grand frère qui est prêtre, donc qui lui donne un peu la sainteté. C'est un clan, les Corneilles. Donc ils sont très liés. Alors, la question que je voulais vous poser avant qu'on en vienne au reste de la carrière de Corneille et à ce théâtre de l'époque, c'est la question du plagiat éventuel. Est-ce qu'il s'est directement inspiré de la pièce de Guillaume de Castro, qui était parue donc 5 ans plus tôt, on va dire? Oui, bien sûr, il a tout piqué, mais... Mais Ce qu'il faut vraiment dire aux auditeurs, c'est qu'il faut lire le Cid. Il faut lire ou relire le Cid. Il faut assister naturellement à une pièce. Mais surtout, c'est en livre de poche, vous allez à la librairie théâtrale rue de Marivaux, vous achetez le Cid et vous le lisez. Vous allez passer un moment de bonheur invraisemblable. Tellement c'est simple, tellement c'est clair, il n'y a pas de problème de vocabulaire, il n'y a pas de problème de grammaire. Ah oui, c'est splendide. C'est d'une clarté parfaite et ça vous touche au cœur. Les tourments qu'ils vivent, tous ces jeunes, parce qu'ils sont très jeunes, Rodrigue, il a quoi, allez, 17 ans, 16 ans. Oui, ce sont des gamins qui sont fous amoureux, c'est ça l'histoire. Et bien sûr. Et il y a une espèce d'électricité là-dedans, et une électricité toute espagnole. Parce que là où on est très espagnol, c'est que on se venge. On se venge, on sort le couteau, il y a du sang, et on ne réfléchit pas en disant ça peut être un crime. Bon, là on n'est pas du tout dans le théâtre italien, la Commedia dell'arte que reprendra Molière. On est dans une inspiration totalement hispanisante. Et c'est ça qui est fascinant à lire, mais vous lisez ça, mais enfin moi je me suis régalé, je l'ai relu avant de venir, c'est vraiment formidable. Oui, c'est vrai, je me faisais la même réflexion ce matin, moi aussi, j'ai dit tiens, je vais en lire quelques tirades comme ça, et puis en fait on se laisse prendre, on se plonge complètement dans le texte, c'est éblouissant. Alors le cardinal Richelieu, je reviens sur votre question, parce que le cardinal Richelieu, il aimait le théâtre, mais il aimait aussi les comédiens. Vous savez qu'en 1641, il y a un édit qui dit que les comédiens ne seront pas frappés d'infamie s'ils divertissent en restant moraux. Remarquez que le théâtre de Corneille est totalement moral. Parce que finalement, ils sont pris dans des dilemmes, mais ils répondent tous à leur devoir de liberté. Et c'est la liberté qui dépasse tout ça. Ils sont pris dans une tenaille et c'est la liberté qui va leur en faire sortir. Et de façon toujours morale. Et je parlais tout à l'heure de L'Illusion, qui est la pièce écrite juste avant le Cid. Or, c'est une pièce qui est un manifeste du théâtre, en quelque sorte, où Corneille est en train de vouloir faire sortir le théâtre de l'ornière où l'Église l'avait laissé pour en faire un art noble et moral. Alors, il faut raconter aux auditeurs qui connaissent pas forcément, un père, l'enfant prodigue qui est parti. Il y a un magicien qui dit « Je vais te montrer ton enfant prodigue ». Il voit son fils. C'est-à-dire que le magicien suscite sur scène, il montre ce qui se passe en même temps. Et on voit le fils apparaître. Et on voit le fils apparaître et le fils va mourir. Et le père pleure et le fils à la fin se relève et va compter son or. En fait, le fils était comédien. Et c'est pour ça qu'il va pouvoir dire que le théâtre est un fief dont les rentes sont bonnes. L'Illusion comique, c'est le théâtre dans le théâtre. On est en 1635, mais en 1601, Shakespeare l'avait fait avec Hamlet. En 1633, la Comédie des comédiens de Gougenot avait été écrite et Scudéry va reprendre le même titre, la Comédie des comédiens, pour l'Hôtel de Bourgogne. Ce sont des pièces qui revendiquent la sociabilité des comédiens et ça va déboucher en 41 sur le fameux édit de Richelieu. Et on est tout près du milieu du XVIIe siècle et là il s'agit pour Corneille et pour un certain nombre d'autres auteurs de donner donc au théâtre ses lettres de noblesse et sa légitimité en quelque sorte. Il va devenir le grand art là du XVIIe siècle avec évidemment des textes magnifiques, avec des comédiens parce qu'il faut former tous ces comédiens. Formidable. Jusque-là, c'était surtout des batteleurs de foire, les comédiens. Là, on va avoir les premiers vrais grands comédiens. Vrais tragédiens. Tragédiens. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un respect de la langue, un respect du vers, un respect du maître, et qui vont façon plus naturelle de parler, un peu plus naturelle. Alors chez Molière, mais pas chez l'Hôtel Corneille, de Bourgogne. L'Hôtel de Bourgogne, on roule les airs, on appuie sur la rime et on montre bien comment le vers est charpenté. Molière, 1661, va changer complètement cette affaire-là, ce qui va faire dire à La Fontaine qu'il faut toujours rester proche de la nature. Parce que Molière est dans la nature. Alors que Corneille, au contraire, et Racine ensuite, seront des vers très empoulés, toujours marqués. Et d'ailleurs, on l'a un peu entendu tout à l'heure avec Gérard Philippe. Oui, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose comme ça. Et l'Hôtel de Bourgogne, c'était ça. Ah oui. Alors, il faut imaginer ce qu'est le théâtre du Marais où a été créé le Cid. C'est un théâtre, entre guillemets, luxueux par rapport à ce que pouvait être un certain nombre de salles de l'époque. On a quand même les moyens au théâtre. C'est un ancien jeu de paume. Oui. C'est un ancien jeu de paume, donc il est long. À la différence de l'Hôtel de Bourgogne, qui est petit, trapu, et qui n'a d'ouverture de scène que 6 mètres. Donc c'est vraiment tout petit. Toute petite scène. Oui. Et comme c'est petit, ça va devenir un écrin à texte. On va donner le texte dans toute sa beauté et ça va être une sorte de conservatoire de la diction et du drame dit et déclamé. Bon, à l'hôtel de au Théâtre du Marais qui appartient plus ou moins d'ailleurs à Corneille. Oui. Parce qu'il y a mis d'argent. Passionnante histoire. Parce qu'il y a mis d'argent. Ça va devenir un théâtre à machine. Donc théâtre à machine, on fait monter des nuages, descendre un gouffre, des trappes, etc. Des trappes, des dragons. Et alors les gens aiment beaucoup. Ben ce sont les effets spéciaux. On préfère les effets spéciaux, l'immédiat, à la beauté d'un texte que l'on va entendre. À l'hôtel de Bourgogne. Donc l'hôtel de Bourgogne, ça va être l'aristocratie des comédiens, d'une certaine façon, et au Marais, ça va être un peu le tout venant, mais avec des énormes spectacles comme, et des énormes triomphes comme le Cid. Or, Richelieu va se faire son palais cardinal, et dans son palais cardinal, il se crée sa propre salle de spectacle. 11 mois plus tard, il meurt, et le palais cardinal va devenir le palais royal. La salle cardinale elle-même devient le théâtre du palais royal, qui va être confié à Molière dès 1661. Alors, il est plus ou moins déplacé de quelques mètres, mais cette salle, c'est aujourd'hui la salle Richelieu, que l'on appelle la Comédie Française. Oui, c'est à peu près l'emplacement, en tout cas, oui, c'est son origine. Il a un tout petit peu bougé, mais bon. Et c'est là que Molière va être avec sa troupe, après avoir été au Petit Bourbon, bon, on la joue vite. Et imaginez-vous qu'il va essayer de créer une troisième voie, celle de la nature, mais pas un théâtre à machine, bien qu'il va l'essayer avec Donjon, ça va faire un flop, et puis il va créer son propre théâtre à lui. Nous avons réussi, cher Christophe Maury, nous qui ne sommes pas du tout d'accord sur ce sujet, de faire une émission entière sur Corneille et sur le Cid, en ne presque pas citant Molière et en ne disant pas un mot de la querelle Molière-Corneille. Je trouve que c'était il fallait le souligner. Il faut toujours dire que Corneille est le plus grand, mais Molière est le meilleur. Voilà. Disons ça comme ça, si vous voulez. Merci beaucoup, Christophe Maury. Je rappelle donc la publication à l'œil du prince hein, des sosies de Jean de Rotrou. Donc cette pièce qui a été créée en même temps que le Cid au début du mois de janvier 1637. Instant sur Europe 1, on vous retrouve. Franck Ferrand vous répondra à la question de Maëlys qui souhaite connaître l'origine de l'expression branle-bas de combat. Retour aux origines. Et vous répondez aujourd'hui, Franck Ferrand, à la question de Maëlys qui nous l'a envoyée sur la page Facebook de l'émission, qui aimerait savoir d'où vient l'expression branle-bas de combat. Oui, c'est cette expression qui désigne, dans le langage courant, un moment quand il faut se mobiliser, en quelque sorte, entre la peur, le bouleversement, le remue-ménage, l'agitation, plus ou moins désordonnée. Branle-bas de combat, c'est-à-dire que on se réveille et on donne le meilleur de soi. Alors, c'est en fait un terme du vocabulaire de marine. Je pense pas que ce soit une grande découverte pour beaucoup de nos auditeurs, mais enfin il faut quand même le dire et le préciser. Bon, branle-bas, branler, ça, autrefois c'était tout ce qui c'était bouger, hein, osciller, tout ce qui bon, c'est le terme, le vieux mot français pour désigner l'oscillation, et c'était surtout depuis la fin du XVIIe siècle, 1678 exactement, c'était un terme pour désigner le hamac du marin. Ben oui, parce que le hamac il oscille sur le bateau, vous voyez, il branle lui aussi, et donc ça désigne la manœuvre qui consiste, ce branle-bas, à plier ou déplier les hamacs au moment du lever des équipages. Donc les marins, si vous voulez, dormaient dans ces hamacs à l'entrepont. Et lorsque le marin devait se préparer dans l'urgence du combat, parce qu'on voyait arriver un navire ennemi par exemple, eh bien on criait tout simplement branle-bas de combat. C'est-à-dire, il était grand temps de descendre du hamac et de plier tout ça pour libérer l'entrepont et pour se préparer au combat, tout simplement. Bas, parce que les marins devaient descendre hein, des hamacs. Vous avez bien compris ça, il fallait les décrocher en quelque sorte. Alors aujourd'hui, on continue à employer l'expression dans la marine, on parle du branle-bas du matin ou du branle-bas du soir. C'est ça, ce sont les préparatifs de l'équipage, tout simplement au moment du lever ou du coucher. Nous disions tout à l'heure qu'un certain nombre de pratiques s'étaient maintenues dans le monde du théâtre, notamment grâce au conservatoire. Et bien on peut dire que dans le monde de la marine, les expressions et les pratiques se sont maintenues pour le moins également. Voilà donc pour la question de Maëlys. D'où vient l'expression branle-bas de combat? C'est une expression qui vient de la marine de guerre, tout simplement. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui avec les experts Europe 1, nous allons parler d'un autre branle-bas, celui qui secoue les couples, comment remonter la pente quand il y a crise dans le couple, comment faire attention à son couple tout simplement au quotidien. Je pense que ça va vous passionner Franck et vous aussi chers auditeurs, vous pouvez poser vos questions ou témoigner au 3921 ou sur europe1.fr Franck. Merci beaucoup Elena et nous nous retrouvons demain Céline. Avec grand plaisir Franck, à demain.